Bienvenue dans les loges, aujourd'hui on a rendez-vous avec un groupe culte FFF, la Fédération Française de Funk est de retour avec un nouveau single, Monkey. Krichou Montieu, le batteur du groupe, est avec nous pour en parler. Bonjour Krichou. Bonjour, ça va ? Ça va, très bien, merci. Et vous ? Impeccable, impeccable. Vous êtes de retour avec un nouveau single, Monkey. Ma question va être très simple, après 17 ans de silence discographique, comment s'est passé ce retour en studio ? Très bien, car d'une manière progressive en fait. On est retourné sur les planches en 2014, on a fait une tournée d'été en 2014, donc ça s'était bien passé, bon accueil du public, bon accueil de la presse. Donc on a passé les deux ans après, c'est-à-dire 2015-2016, à se faire des sessions d'enregistrement, en fait, à droite à gauche, en studio ou dans des endroits qu'on louait, où on arrivait avec le matériel. Et on a commencé à enregistrer des titres, à faire des choses, à faire des choses, à faire des choses. Et en fait, cette habitude d'enregistrement, c'est un truc qu'on a toujours de base quand on est musicien, mais là, c'est un truc au niveau du groupe qu'on a remis au goût du jour déjà il y a au moins deux ans et demi. Donc de là sont sorties plusieurs choses, dont entre autres Monkey. Il y en a d'autres qui suivent, vous verrez avec les albums qui arrivent. Et donc voilà, pour nous, ça fait partie du processus. Le live, l'enregistrement, ça avance dans le même sens, quoi, dans le sens de la composition. Nicolas Baby avait déclaré il y a deux ans, justement, quand vous étiez revenu, « Quand on s'est séparés, on n'était pas entré dans le panthéon des groupes internationaux, mais on n'en était pas loin du tout, notre histoire n'était pas finie. » Vous êtes de retour dans l'optique de la continuer, cette histoire ? Mais bien sûr, c'est complètement ça. Ça s'inscrit dans une continuité, notre affaire. Même musicalement, que ce soit les titres comme Monkey ou les singles qui viendront après, ça va dans le sens d'une maturité musicale. Il n'y a pas eu de fin à cette histoire, il y a juste une pause. On continue à construire, en fait. Ça va dans ce sens-là. On va revenir un peu sur votre retour et sur votre carrière, si vous le voulez bien. Mais avant, on va écouter Monkey, votre nouveau single. You. my name. De retour dans les loges avec Krichou d'FFF. Vous avez tous continué la musique pendant la pause du groupe. FFF, ça sonne pour vous un peu comme un retour aux sources? Si tu veux, un retour aux sources, dans la mesure où on n'a jamais quitté vraiment la source. on a passé du temps sans jouer ensemble, mais bon, on s'est vu, on est toujours resté en contact. On a tellement de souvenirs en commun que c'est pas la peine qu'on s'appelle pour ressentir la vibration des voisins, quoi. C'est une histoire de groupe, c'est souvent, je dis que c'est une histoire d'amour à plusieurs, donc c'est pour ça que c'est difficile à gérer. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a des moments super, super, super forts. Donc voilà, quoi, ça nous paraît assez normal. On s'était juste dit, à un moment, il va falloir qu'on fasse quelque chose, parce qu'il y avait un peu de pression quand même de la part des amis, de la part des fans, de la part de plein de choses, quoi. Le fait que le live soit de nouveau au goût du jour, on va dire, par le fait que les disques se vendent moins en moins, donc ça nous a aussi poussé à revenir à ce qu'on savait faire le mieux, quoi, c'est-à-dire jouer sur scène ensemble et faire cette musique qu'on fait ensemble pour notre plaisir et pour le plaisir de tous, quoi, tu vois. C'est avant tout une histoire de on va pas lâcher l'affaire parce que on y prend beaucoup de plaisir et on a envie de continuer à faire plaisir aux gens. C'est rassurant justement d'avoir toujours FFF prêt à repartir sous la main. C'est rassurant. De toute façon, c'est toujours rassurant d'être backé comme un groupe comme ça, parce que ce qui se passe entre nous, c'est vraiment une aventure très spéciale depuis le début. Moi, j'ai joué avec plein d'autres formations. J'ai jamais ressenti ça avec personne, de toute façon. Et c'est une alchimie vraiment très particulière. Vous arrivez à l'expliquer, cette alchimie? Non, c'est une question d'individu. FFF, c'est pas un groupe où les gens sont interchangeables. Enfin, les quatre membres de base, c'est-à-dire Yaron, Marco, Nicolas et moi, c'est vraiment, on a des personnalités très différentes, on est assez différents, mais ensemble, on fait FFF. C'est la raison pour laquelle il est très difficile de composer pour ce groupe en amont, chacun de notre côté, alors qu'on est tous producteurs, on est tous compositeurs, mais on ne peut pas composer pour FFF dans son coin. C'est compliqué, parce que c'est vraiment une musique qu'on fait ensemble. Donc on fait des jazz sessions, on fait des choses ensemble, et c'est à partir de ça qu'on arrive à sortir la matière brute qui fait la musique d'FFF. Donc la composition, comme vous disiez, c'est que du jam et tout le monde apporte un peu son bagage. Et quand il y a un moment, un riff qui vous plaît ou quelque chose qui vous plaît, vous restez dessus, c'est ça? C'est ça en fait. Ouais, on travaille beaucoup comme ça. Et que ça permet du coup que FFF soit vraiment une émanation du combo, quoi. C'est vraiment ça. C'est ce qui caractérise ce groupe. C'est aussi ce qui caractérise la musique de ce band. Ouais, c'est vraiment un truc en commun, un travail collectif et le travail d'un collectif en fait. Quand vous avez commencé en 91, vos premiers enregistrements, vous mélangez beaucoup de styles actuels du paysage musical qui se faisait à l'époque, du rock, du hip-hop, du funk. Est-ce que le paysage musical, 20 ans après, vous inspire toujours comme à l'époque? Oui, c'est quelque part encore plus passionnant qu'avant. Puisqu'avant, il y avait beaucoup de chapelles musicales, tu vois. T'étais soit rocker, soit reggae-man... tu vois, soit tu faisais d'électro, un peu tech, barré, machin. Enfin, tu vois, tout était très compartimenté. Donc, c'est pour ça, quand on a débarqué en 90, les gens me demandaient toujours, mais quelle musique vous faites? Tu vois, qui êtes-vous? Et je me souviens qu'aux États-Unis, quand on allait enregistrer le premier album, les interviews en presse, c'était qui a eu l'idée de monter ce groupe? Tu vois, mais dans le sens, quel producteur a eu l'idée de monter ce groupe? Ça leur paraissait insensé que des entités aussi différentes puissent travailler ensemble. Parce qu'aux États-Unis, en plus, à cette époque-là, c'était loin d'être le cas. On s'en est rendu compte après que les gens se mélangeaient beaucoup moins qu'on le croyait. Voilà, donc tout ça pour dire que donc à cette époque, il y avait encore beaucoup de chapelles. Donc maintenant, c'est beaucoup moins comme ça. On a pris l'habitude, ne serait-ce que par tous les inputs via Internet, tout ça, la musique est plus mélangée qu'avant. Donc il y a beaucoup moins de réticence à mélanger les styles. Ça paraît beaucoup plus normal qu'avant. On s'attend d'un musicien qui soit en fait assez versatile au niveau du genre de musique qu'il fait, parce que c'est tellement plus facile d'écouter tout via Internet, via le streaming, via les serveurs dédiés, via tout ça, que les gens se sont habitués à ce que les groupes aient une musique plus métissée et moins définie. Donc bien sûr que de fait, on est et on reste très perméable à ce qui se passe. On a toujours été des éponges, de toute façon. Comme on est très différents, on s'influence beaucoup les uns les autres. Et je pense qu'à nous quatre, je pense qu'on écoute à peu près quasiment tous les styles de musique, quoi. C'est vraiment très très vaste. Donc ce qui se passe là en 2017, c'est intéressant parce que quelque part ça légitimise un peu la démarche qu'on a toujours eue, nous, de mélanger les styles et du frigo à notre compte. Donc on trouve ça bien sûr intéressant puisque maintenant ça touche beaucoup plus de, de direction. Donc il y a forcément des choses qui nous touchent, des mélanges qui nous réveillent, et du coup ça mène notre musique aussi un peu vers d'autres horizons, parce que tout est arrivé de l'électro, les machines, tout ça aussi, ça a eu bon, son apogée dans les années avec des groupes comme Prodigy, tout ça, machin. Bon, maintenant, c'est aussi adapté. Ça revient aussi plus au live. Donc, le point central de notre groupe, ça reste toujours la musique live, de toute façon. Après, maintenant, on adapte sur scène selon nos envies et selon nos influences. Mais ce mélange de base, le fait de prendre des sources d'horizons différents, c'est une attitude qui fait partie de nous-mêmes. C'est la base de la démarche du groupe. Et je pense que ça le restera, parce qu'on est fondamentalement différents les uns des autres. La musique qu'on fait avec FFF est, de toute façon, une sorte de tambouille de nos influences diverses et variées. On va parler live, vous venez de le mentionner. Vous allez enchaîner les festivals cet été. Vous savez que vous êtes très attendu au tournant. FFF est très très renommé pour ses prestations scéniques. Est-ce que vous abordez toujours la scène de la même manière qu'il y a 20 ans ? Oh, complètement. Complètement. Nous, on est un groupe de live, on a fait 5 albums, c'est clair, mais comme je te disais tout à l'heure, on est vraiment un combo, cette musique-là, on l'a fait ensemble, donc le live, c'est vraiment notre point de regroupement, quoi. On a toujours été attendu au tournant, si tu veux. Quand on est revenu en 2014, la pression était encore. Puisque c'était vraiment « Ah, ils reviennent après 10 ans, qu'est-ce que ça va donner ?» On était le seul groupe à jouer en festival sans nouvel album et sans projection de nouvel album, puisque c'était vraiment une remise en jambe. Bon, ça s'est très bien passé. On n'est pas victime de la pression, on réagit pas comme ça. En fait, on aime les paris et on aime les gageures et on y va, quoi. C'est un truc, c'est toujours passé comme ça dans le groupe. Il y a rien qui nous fait spécialement peur. On a juste envie de passer un bon moment sur scène et d'avoir un vrai moment de partage avec les gens. Et en festival, ça fonctionne assez bien vu le nombre de gens qu'il y a et l'envie qu'on a, nous, en une heure, de montrer ce qu'on sait faire et de montrer surtout qu'on a envie d'être là et qu'on est là pour passer un vrai moment avec les gens, quoi. Justement, en parlant de challenge, en 2014, vous avez fait la première partie de Chaka Ponk. Vous avez eu l'impression d'avoir à reconquérir un nouveau public ? Reconquérir un nouveau public, non, ça serait plutôt conquérir un nouveau public, tu vois, parce que le public de Chaka Ponk, bon, c'est des gens assez jeunes, en fait. Bon, c'est sûr que nous, nos fans de l'époque, ben maintenant, ils sont qu'un quart, on va dire, mais ça a su se renouveler, le public des FFF. On s'en est rendu compte en festival, on s'en est rendu compte à la dernière tournée d'hiver qu'on a fait. En fait, c'est sans doute via Internet et les serveurs. C'est tellement facile maintenant d'écouter la musique d'un groupe. Tu vois, un groupe programmé en festival, tu peux en une demi-journée écouter tous ces albums, tu vois. Donc, on s'est retrouvé avec un public jeune assez rapidement devant, qui était assez fasciné par la puissance du live, parce que beaucoup ont écouté beaucoup de groupes d'électro, des formations avec des DJ ou des choses comme ça. Mais la vraie notion du live comme ça, il y a pas mal de gens, de jeunes, qui en avaient pas une vraie conscience. Bon, Chaka Ponk, qui joue bien live aussi. Bon, il y a pas mal de machines, tout ça, machin. Mais ça va dans le même sens. C'est une expression live aussi. Donc, non, ça ne pose pas de problème, ça. Et on n'a pas eu la sensation d'avoir à reconquérir quelque chose. C'était juste, nous, se redire, on y retourne. Voilà. C'était vraiment ça. On y retourne avec tout ce que ça implique. Mais avant tout, je te le répète, pour nous, c'est un plaisir, la scène. Donc ça n'a jamais été genre ou un stress ou un effort ou quoi que ce soit. Et les artistes, pour qui ça l'est, c'est des gens qui viennent peut-être plus du studio, qui composent dans leur coin. Nous, on a un groupe de live, on a un groupe de scène, donc la scène pour nous, c'est un bonheur. En automne 2016, vous avez fait une date au Bataclan, un lieu qui est maintenant, pour de mauvaises raisons, assez symbolique. C'était important pour vous de repasser dans cette salle en particulier ? Le Bataclan, c'était une date très chargée pour nous et pour tout le monde, de toute façon. Vu ce qui s'est passé, c'était curieux parce qu'on n'en parlait pas trop, en fait, entre nous, de cette date. C'était une date qui était un peu vers la fin de la tournée. On n'en parlait pas trop, mais tout le monde y pensait. Et en fait, quand la date a commencé à s'approcher de plus en plus, bon, on s'est dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait, en fait? On a parlé de différentes choses. En fait, on s'est dit, soyons simplement nous-mêmes, avec la sincérité qui nous caractérise et parlons simplement des choses. Et ça s'est fait, en fait, d'une manière assez naturelle, voire même complètement. On a dit ce qu'on avait à dire sans pour autant insister sur les choses. Je pense que c'était pas la peine, le fait d'être là, le fait de jouer sur scène à ce moment-là, c'était déjà une bonne représentation de notre position. Et on a vu que les gens étaient vraiment complètement avec nous, et cette synergie qu'il y a eu au moment de ce concert a montré vraiment que la peur va pas gagner, la peur ne peut pas gagner. Enfin, moi, personnellement, c'est, ça a été vraiment un moment très très fort, parce qu'en fait, quand t'es sur scène, tu joues, t'es avec les gens, et ben tu penses avant tout à ce qui se passe au moment présent. C'est ça la magie du live, c'est que le temps réel gagne sur le reste en fait. Donc t'as conscience de ce qui s'est passé, mais c'est le temps réel. Et au moment où on a fait un remember à ce qui s'est passé, moi j'ai fait maman crier, j'ai fait un morceau qui s'appelle Voix Saine, j'ai fait vraiment une dédicace à tout ce qui s'est passé. Les gens étaient avec nous, il y avait une vraie communion, mais dans la joie, pas dans la peine, dans la joie, dans la communication. Et c'est ça que j'ai trouvé super bien. Que ça soit nous, que ça soit les gens, il y a vraiment une énergie commune. Dans la joie, dans la bonne humeur, pour rappeler ce souvenir. Tu vois, c'était pas plombé, c'était chargé, mais de bonnes vibes. Tu vois, avec une vraie envie de pas se laisser aller dans des vibes de peur ou de stress. Non, c'était un truc constructif, j'ai trouvé. C'est exactement le genre de message dont on a besoin en ce moment. Bah oui, c'est ça. Tu vois, vu que ce qui se passe, ça pète dans tous les coins. Tu vois, on peut pas céder au stress et à la peur. C'est ingérable, sinon on vit plus. Or, la vie, c'est 3 jours, on en a déjà deux derrière nous, donc voilà. Si on monte sur scène, c'est pour communiquer ça, quoi. L'envie d'être ensemble et surtout pas rentrer dans la paranoïa. On va écouter Barbès et on se retrouve juste après. Oh, de retour dans les loges avec Krichou Montieux, le batteur de la Fédération Française de Funk. D'ailleurs, on dit de funk ou de funk, on trouve souvent les deux. Ben, funk, en fait, puisque c'est le mélange de funk et de rock, donc on a gardé le haut du rock, en fait, ça fait funk. Voilà. Mais bon. Personne n'arrive à se mettre d'accord. Très ouvert. On va revenir. C'est un concept très ouvert. On va revenir à votre actualité et à Monkey. Le single est sorti chez Bonus Track Record, le label de Yarol Poupeau, votre guitariste. C'est important pour vous d'avoir le contrôle total sur votre musique avec l'expérience que vous avez acquis au fil des années? Ben, écoute, dans un premier temps, on s'est retrouvé en fait à devoir tout un peu reconstruire nous-mêmes, tu vois. Vu que plus de label, plus de maison de disques, plus d'éditeurs, machin, donc on a commencé par s'organiser par nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça, tu vois, parce qu'il faudrait vraiment que ça se passe très très très bien pour nous, pour se garder 100% du contrôle de ce qu'on fait, de ce qu'on joue, de ce qu'on enregistre. Mais la démarche nous plaît, dans un premier temps, de pouvoir contrôler ça nous-mêmes et gérer ça nous-mêmes. C'est bien. Je pense que ça va changer à l'avenir, tu vois. Mais de toute façon, le partenariat qu'on aura avec un label, avec un éditeur, ça ne peut qu'être différent, car l'exploitation de la musique aujourd'hui est différente. Donc on va être de toute façon plus investi, que ce soit dans l'exploitation de ce qu'on fait que dans la fabrication de ce qu'on fait. C'est aussi un désir de notre part de contrôler un petit peu plus ce qu'on livre, tu vois, dans la mesure où on peut l'assumer. Monkey, ça va être l'annonce d'un album ? Ah, total. Total, bien sûr. En fait, les titres, on les a. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'est offert le luxe, on s'offre le luxe de jouer les titres avant sur scène, avant de les enregistrer définitivement, en fait. Monkey, c'est un morceau qu'on joue sur scène. Et en fait, c'est un peu un single qui s'est révélé par lui-même. Au départ, c'était pas spécialement ce morceau-là qu'on pensait sortir en premier single. Mais la scène nous a montré qu'en fait, c'était celui-là. Donc c'est ça l'intérêt de pouvoir tester les morceaux sur scène, c'est de se rendre bien compte de comment passent les choses. Et Monkey, c'est un truc direct, ça passe tout de suite. Et en fait, il s'est imposé de lui-même comme premier single. Il y a d'autres choses qui arrivent, il y en a qu'on va jouer sur scène. On va essayer tous de pouvoir les jouer sur scène avant de les enregistrer pour justement avoir une vraie image de la portée du titre en live. Tu vois, ça nous permet de pouvoir mieux focusser l'enregistrement et de pouvoir avoir une vraie idée de l'impact du titre sur le public. On parle de plein de surprises pour 2018. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est ben déjà l'album, parce que quand même, bon, là, ça va, quoi. Après 17 ans. Tout le monde, il va bien arriver. Il va arriver d'ici la fin de l'année, l'album. On va se centrer là-dessus, quoi. On se centre là-dessus, on a les titres. Maintenant, il faut qu'on réunisse tout et qu'on décide celui-là, oui, celui-là, non. Celui-là à l'envers, celui-là, on va le peindre en rose. Enfin, tu vois, quoi. mais les choses sont là. Les textes arrivent. C'est aussi toute une remise en jambes. Voilà, l'écriture, tout ça, machin, c'est... Voilà, on a pris un peu de la bouteille, tous, par les expériences diverses qu'on a eues, qui enrichissent toujours le combo, tu vois, indirectement. Et forcément, on est aussi très exigeants, parce qu'on est tous très exigeants, mais ensemble, c'est encore pire, tu vois. Donc de ce filtre-là, naîtra, bon ben, écoute, un LP qui, à mon avis, j'ai hâte de l'entendre. Parce que quand on arrive enfin à se mettre d'accord sur tout, ça va vraiment être, je pense que ça va vraiment être bien, surtout que ça va vraiment être... Pour moi, c'est un peu l'album de la maturité, cet album. Enfin, du retour de la maturité, on va dire. Parce que Free for Fever, pour moi, c'était un album. Le deuxième album, c'est un album sur lequel on s'est vraiment concentré pour faire ce disque, pour pouvoir exprimer tout ce qu'on pouvait mettre dans un disque. Maintenant, on a plus de recul. Donc, je suis intéressé par cet album à venir, parce que je pense que c'est un album qui sera plus facile à écouter, mais en même temps dans lequel il y aura une vraie sensation de live pour avoir eu le privilège d'avoir essayé les morceaux en live avant de les enregistrer. Eh bien, nous aussi, on a hâte de l'entendre, cet album. Merci Krichou Montieux d'avoir passé ce moment avec nous dans les loges. Bah écoute, un plaisir, gars, un plaisir, vraiment. Et nous, on va se quitter en écoutant Le Pire et le Meilleur, et bien sûr, FFF, on vous souhaite le meilleur. Yes, merci. On est en concert cet été, en juillet, un peu partout sur la France, dans toute la France. J'imagine que tu vas annoncer les dates. Venez partager la liesse avec nous. On va passer des moments vraiment sympathiques. À bientôt. À bientôt. Je suis le meilleur.